Renaissance. Éveil des sens. Réveil de la nature. Bourgeons en abondance. Bourdon censeur, fais silence pour la fournée de printemps. La mouche, elle, s'est nourrie de belles bouses bien chaudes, mais qui, hélas, lui reste un peu sur l'estomac. Alors la petite peste doit vomir à son tour ses vers indigestes. Elle va donc au plus court, sort du tube à essai plein d'un formol social dans lequel elle baignait en saison hivernale.